n'est pas encore 13h. À 13h, si je ne trouve pas l'enveloppe, je suis en train de partir, je rentre. Donc, c'est comme ça, je continue à marcher, Et là, je marche, c'est un moment très long. J'ai tout réalisé qu'il y avait quelqu'un de jeune. Quand je marche, c'est comme si j'avais ça à part, je suis en train de marcher. Tu peux déjà savoir à quelle distance il y a une personne que moi, je ne voyais pas. C'était vraiment mon dernier point de secours. Je me suis dit, faut que j'aille. Pas Junior s'est connecté. Allô? Bon, je me suis dit, faut que j'aille lui demander là. Vous m'écoutez? Oui. Je dis, faut que j'aille lui demander là pourquoi, parce que je sais qu'il y a plus personne sur mon chemin, faut que j'aille voir cet homme qui est en train de battre le verre chaud. C'était un peu un vieillard comme ça. Et puis il avait un t-shirt blanc et un pantalon qui est tout. Donc cet homme, je viens, je n'ai même pas la peine. Je dis que, excusez-moi monsieur, vous connaissez la maison qui... en fait, je vais me rendre à l'établissement Saint-Tel-Tel. Parce que je veux aller quelque part et cet établissement me sert de référence. C'est là où on me dit, je vais te conduire dans le chemin que tu veux suivre. Je dis, à l'instant là, je ne sais pas. Donc j'essayais de dire, ah bon, et tout, mais je me suis retrouvée dans un flash, dans le fond. Donc, je me suis retrouvée dans un flash. Et j'ai donc un flash d'une amie à ma soeur, en Allemagne, une amie à ma soeur en fait. De débauche et tout. Donc, dans le flash, je voyais donc l'ami de ma soeur, sa fille Fanny. Elle était en train de faire le commérage aussi. Elle était en bas de lien. Et puis, il y avait comme une croix rouge qui faisait ding pour dire que ne sois pas comme ça, ne sois pas comme ça. Et alors, il y avait une voix qui me parlait, ne sois pas comme ça, ne sois pas comme ça, ne sois pas comme ça. Et subitement, dès que c'est fini, l'homme, en fait, c'est comme s'il voyait ce que je voyais, mais je ne savais même pas qui c'était. Donc, il me dit, je vais te conduire dans le chemin que tu veux suivre. Donc, ça, c'est après le flash. Il me dit, tu as choisi le bon chemin. Tu as choisi le bon chemin. Je vais te conduire dans le chemin que tu veux suivre. Ça, c'est après le flash. C'est ce qu'il me dit. Je lui dis, je n'ai même pas eu le temps de parler. Il a commencé à me parler. Donc, dans le songe, il me parlait des paroles du Seigneur et il me parlait. Donc, c'est comme s'il m'a prêché. Donc, je n'avais jamais entendu ce genre de paroles et j'ai commencé à m'écrier. Il me parlait dans une langue que je ne connais pas, mais moi, je comprenais la langue parce que je parle trois langues, mais ce n'était pas la langue. Je n'aimais pas le français, ni l'anglais, ni le turc. Donc, je ne sais pas ce qu'il me parlait, mais il a commencé à me parler et je savais qu'il me parlait des paroles du Seigneur et ça ne faisait que me pénétrer. Donc, j'ai commencé à m'écrier pour dire et je disais, nul ne m'a jamais parlé des paroles du Seigneur comme vous êtes en train de me parler. Donc voilà ce que je disais. Et j'ai commencé aussi à parler dans la langue qu'il parlait, même quand je ne connais pas quelle langue il parlait. J'ai commencé aussi à parler et j'ai commencé à m'agiter. Donc j'ai commencé à parler. Donc je disais, aïe, ça c'est quelle parole, ça, c'est quelle parole qui me pénètre comme ça. Nul ne m'a jamais parlé des paroles comme ça. C'est quelle parole qui me va droit, je m'écriais vraiment. Et puis, je parlais comme ça dans la langue qu'il parlait. Et puis, j'ai commencé à me débattre. Et je disais, non, vraiment, cette parole, je reçois cette parole, je reçois cette parole. Ça, c'est l'interprétation en français. Mais j'étais en train de parler comme la personne. Et puis, dans mon sens, il y avait trois fardeaux que je portais. Donc, quand j'ai commencé à m'agiter et que je disais que je reçois cette parole, nul ne m'a jamais prêché, nul ne m'a jamais parlé, comme vous êtes en train de me parler des paroles du Seigneur. Bon, je reçois cette parole et je disais amen. Et puis, on appelle ça en anglais quoi, iron box. C'est comme si je portais trois fardeaux en moi-même. Donc, il y avait un petit fardeau, un moyen fardeau et un grand fardeau. Et les fardeaux étaient in the form of iron box. C'est pour dire un peu des cartons comme en métal.

Ou mieux encore, quelqu'un a étudié un thème là-bas. Je suis... Bêtement. Que Dieu vous bénisse. Alors, je pose la question. Vous riez, n'est-ce pas? Vous voyez, quand il vous amène là-bas, vous commencez à comprendre avec le libre arbitre que ça ne tient pas, n'est-ce pas? Tout à fait. Maintenant, le mouton a-t-il le libre arbitre? Non. Que Dieu vous bénisse. Non. La France dans la sainteté, bon dimanche. Bon dimanche, frère. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous t'accueillons, Jésus, viens. Saint-Esprit, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia.